Bah alors, toi aussi, t'es bon pour le recyclage, mon vieux grippin? Eh oui, mon petit sèche-cheveux, j'ai grillé ma dernière tartine. Et t'aimerais être recyclé en quoi? Eh ben, en cafetière, figure-toi. Ah ouais? Eh ouais, après tout ce pain grillé, j'ai toujours rêvé de me faire un bon petit café. Et toi, tu vois quoi pour ta deuxième vie? Moi? Alors là, je sèche. Ah, excellent, excellent. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. We moved to a place about 80 kilometers north of San Francisco. On s'est installé à 80 km au nord de San Francisco en 1993. Depuis, j'enregistre les sons de la forêt chaque année au printemps. C'est là que la densité et la diversité du vivant est la plus forte. Cet endroit s'appelle Sugarloaf State Park. C'était la dernière demeure de Jack London. Bernie Krause, bioacousticien. The soundscape, the paysage sonore in at that particular time in the 90s. Le paysage sonore jusqu'au début des années 2000, il était très riche. Was really rich and there was a lot of density, there was a lot of. On pouvait y entendre un nombre considérable d'espèces en même temps. C'était un lieu très apaisant. And it was a habitat that was really comforting to be in and made you feel alive. Il s'y passait tant de choses sur un plan sonore, on y sentait la vie. So I recorded there the last time that the site was at its peak was in 2004. J'ai enregistré cet endroit lors de son dernier pic. C'était en 2004. Et là, les choses se sont mises à changer radicalement à cause du réchauffement climatique. Le printemps commençait un peu plus tôt chaque année et l'été devenait plus long et plus chaud. En 2011, a commencé ce qui est toujours une sécheresse historique. Tout est devenu terriblement sec. But here's an example in 2015. Et ça, c'est un enregistrement de 2015. C'était la quatrième année de sécheresse et l'on n'entend absolument plus rien. Nothing there. It is truly a silent spring. You hear an occasional bird, c'était but the un printemps stream silencieux. Is gone, the sound of the stream il y a ici et là un oiseau, gone. Mais le souffle de l'ensemble est parti. Really ne no pas birds. Entendre d'oiseau, really c'est si effrayant. C'était la première fois, en presque 80 ans d'existence, que j'ai fait l'expérience d'un printemps silencieux. That I'd ever experienced a silent spring. Bienvenue dans l'Anthropocène, premier épisode, où le vivant s'effondre. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. On peut deviner assez facilement que c'est là. Voilà. Étant donné que... On va prendre chaud des à gauche. Des champs à perte de vue. Non seulement c'est des champs à perte de vue, mais en plus... alors c'est un petit peu contextuel, mais là ça va être sur la droite, à la patois. Mais... on n'a pratiquement pas eu de pluie, pour ainsi dire, depuis le mois de juillet. On est en sécheresse absolue. Enfin, ça fait 30 ans que je suis ici, on n'a jamais vu ça. Surtout à l'automne, il pleut quand même. Normalement, à partir de mi-août, ça termine. Donc du coup, comme les champs ont été labourés, comme les agriculteurs le font assez systématiquement après les récoltes, ben, c'est resté au stade labour depuis début juillet. Donc, comme on voit, là, toutes les parcelles sont labourées. Elles n'ont pas encore été semées. Parce qu'il ne pleut pas. Donc, du coup, on est dans un véritable désert. Là. Il y a une installation d'arrosage. Là, on était là. Et du coup, on a sorti les tuyaux énormes. Alors, je ne sais pas si assez d'arrosage en vue de semis, mais je pense que oui. Donc là, on atteint quand même le summum de ce modèle agricole. Niort, Vincent Bretagnol, écologue. C'est des forages qui ont été réalisés dans les années 90, parce qu'il y avait beaucoup de subventions à l'agriculture irriguée à cette époque-là. Et donc ici, ce sont des forages profonds, c'est-à-dire que l'eau qui est utilisée pour l'arrosage, c'est de l'eau de nappe phréatique assez profonde, 60-80 mètres de profondeur, qui est une eau cristalline, hein, qui a des dizaines de milliers d'années, parfaite, quoi. Alors que dans les villages et dans les communes ici, l'eau du robinet est interdite aux nourrissons parce qu'il y a trop d'azote et de pesticides dedans. Donc on utilise pour arroser une eau qui est parfaitement cristalline et on ne peut pas boire l'eau du robinet. Voilà. Et je pense que ça résume assez bien le paradoxe de l'agriculture, du modèle intensif de l'agriculture. Il y a quelques mois, Vincent Bretagnol, vous avez publié une étude qui a fait grand bruit sur la disparition des oiseaux dans les milieux agricoles. Est-ce que vous pouvez raconter comment s'est passée cette étude et ses résultats ? Alors en fait, ce n'est pas vraiment la publication d'une étude, c'est le résultat d'un observatoire, et en fait plus précisément de deux observatoires. Le premier observatoire qui est basé ici, qui est celui de la zone atelier Plaine et Val de Sèvre que je dirige, dans lequel on compte les oiseaux depuis 25 ans exactement sur les mêmes localisations. Il y en a 160 au total, donc c'est des comptages extrêmement standardisés, très précis, faits tous les printemps à la même époque. Et il y a un deuxième observatoire qui, lui, est mené par le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui est un observatoire national. Il y a à peu près le même nombre de points d'écoute, mais c'est distribué sur l'ensemble de la France. Donc chaque année, ces deux observatoires publient les résultats de nos comptages annuels. Et en échangeant avec les collègues du muséum, on s'est rendu compte que nos deux observatoires aboutissaient exactement à la même conclusion, mais à un point qu'on avait difficilement imaginé, puisque outre le fait que ces deux observatoires démontrent qu'il y a un déclin très marqué, très prononcé des oiseaux dans les milieux agricoles, quand on quantifie ce déclin, on aboutit au pourcent près à la même valeur de déclin, par exemple pour l'alouette des champs, qui est l'espèce qui est la plus abondante et qui fait partie de celles qui ont le plus décliné. Et ça nous a donné l'idée et le sentiment qu'il fallait absolument faire savoir quand même qu'on était face à une élimination progressive de la biodiversité dans les campagnes françaises, qu'on peut très bien mesurer et quantifier chez les oiseaux, parce que c'est plus facile de compter les oiseaux que les vers de terre. Donc on a de meilleures données à plus long terme sur les oiseaux. Et donc on est face à des vagues d'effondrement qui sont sans précédent dans l'histoire des campagnes et de nos pays occidentaux, puisque pour ce qui concerne les oiseaux, on enregistre un déclin d'à peu près 35% des effectifs, donc chaque individu est compté, là, des effectifs en l'espace de moins de 20 ans. Non, effectivement, quand on est sur place, on peut confirmer, on ne voit pas beaucoup d'oiseaux. Voilà. Alors qu'il devrait y avoir beaucoup d'oiseaux, on est en pleine période de migration. Donc on a tous les oiseaux d'Europe du Nord qui transitent. En fait, ils transitent de nuit. Là, on entend juste une alouette qui passe, mais la plupart de ces oiseaux migrent de nuit, mais ont besoin de sites au petit matin pour se poser. Donc on devrait être dans des endroits où il y a énormément d'oiseaux en repos diurne avant de reprendre la migration nocturne. C'était le cas il y a encore 10, 20 ou 30 ans, où il y avait dans ce type de milieu beaucoup de vanneaux. Un peu plus tard, il y a des pluviers, beaucoup d'outardes, plein de passereaux migrateurs, notamment les alouettes et les bruants. On ne voit rien parce qu'il n'y a rien à manger. Donc ils peuvent éventuellement se poser là en attendant la nuit suivante, mais ils ne pourront pas se nourrir, s'alimenter, reprendre un peu des forces. Et donc c'est très pénalisant pour l'ensemble des oiseaux d'Europe, évidemment. Et on est sur une zone, le centre-ouest de la France, les Deux-Sèvres, Charente-Maritime, qui est une zone d'étape clé pour la plupart de ces passereaux qui migrent, parce qu'on est à peu près à la moitié de leur grand chemin jusqu'à l'Afrique du Nord puis le Sahara. Forêt de Fontainebleau, Gilles Boeuf, écologue. Il faut être très clair sur les crises d'extinction. Ce qui est important, c'est qu'elles se sont produites. En gros, hein, on ne connaît pas grand-chose avant 800 millions d'années. Pour deux raisons. D'abord, plus c'est loin, plus c'est difficile. Et deuxièmement, à l'époque, il n'y a que des trucs tout mous, hein, des vers, des trucs qui ressemblent à des méduses, bon, donc qui se fossilisent très mal. 800 millions d'années, La nature invente des choses fabuleuses pour les paléontologues. Les os, les carapaces et les cuticules. C'est magique, ça se fossilise. Donc on a des bonnes données très matérielles qu'on retrouve dans les gisements. Et là, on se rend compte qu'en gros, en 800 millions d'années, on a eu 60 crises que les géologues avaient vues déjà. Hein. Et parmi les 60 crises, 5 massives. La dernière ayant eu lieu, donc celle que l'on dit avoir fait disparaître les dinosaures il y a 65,5 millions d'années. Et le vivant repart. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est clair qu'on voit des choses. Les mammifères, par exemple, à l'époque des grands dinosaures, le plus gros était gros comme quoi, comme un lapin. Hein. Imaginez un cheval à l'époque des grands dinosaures carnivores. Il ne faisait pas 20 mètres dans une forêt. Il était bouffé tout de suite, en fait. Hein. Donc c'est vrai que sur une longue époque, c'est harmonieux, finalement. Et sur la somme de tout ça, on allait vers une augmentation au moment précis du nombre d'espèces sur la Terre. Malgré les crises, il y en avait de plus en plus. Des gens avaient dit, en 2011, il y a eu un grand papier dans Nature qui disait « Est-on en train, aujourd'hui, avons-nous démarré la 6e grande crise d'extinction ?» L'idée n'est pas intéressante, mais j'aime pas la promouvoir comme cela. Ce que je dirais, c'est qu'on assiste aujourd'hui dramatiquement et de plus en plus accéléré à un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes, de plantes, d'animaux, de champignons ou même de micro-organismes. Université de Montpellier, Vincent De Victor, écologue. En fait, on se rend compte que ça fait 50 ans qu'on dit la même chose. Qu'on a effectivement bien identifié les causes qui sont connues et reconnues, qu'on a aussi des solutions simples, assez fortes, de protection d'espace et de protection d'espèces, avec peut-être quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est des données de meilleure qualité. Alors, on a tout l'arsenal technique d'observation, que ce soit par le haut, les satellites, mais aussi par le bas, les gens sur le terrain, accumulation des données, traitement de ces données de plus en plus sophistiquées. Donc, dans cette crise de l'écologie, il y a un front qui est un front de reconnaissance de notre responsabilité en tant qu'espèce humaine. Si on fait une expérience de pensée qui consiste à peser chaque individu de vertébré terrestre, bon, les hommes, donc moi, vous, l'ensemble des étudiants de ce campus, et de proche en proche, les oiseaux, les amphibiens, les mammifères, on se rend compte que l'espèce humaine représente 36% de la biomasse. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'en tant que vertébré, on représente 36% de la biomasse totale. Mais ce qu'il y a de peut-être plus frappant, c'est que 60% est représenté par les animaux d'élevage. Moi, quand j'ai appris ça, ça me donnait froid dans le dos. Il reste 4% de la biomasse de vertébrés terrestres qui est représentée par les animaux sauvages. Autrement dit, en termes de responsabilité d'occupation de la biomasse de vertébrés, c'est absolument gigantesque. Évidemment, si on se met à rajouter les invertébrés, alors là, on a tout de suite une invitation à l'humilité. Parce qu'on représente 3 fois moins de biomasse que de virus. 3 fois moins de biomasse que de vers de terre. Donc là, tout d'un coup, on voit que dès qu'on s'attaque à ce monde des micro-organismes, c'est encore pire, la biodiversité, la biomasse de micro-organismes marins, c'est 50% de la biomasse totale. Vous voyez, quand on navigue dans ces chiffres, on a à la fois une énorme responsabilité évidente de nos espèces les plus proches, et à la fois, évidemment, un constat d'une extrême humilité de notre place dans la biosphère qui est finalement assez faible. Donc notre impact est majeur, même si, en termes d'appartenance au monde vivant, finalement, l'humain représente une part relativement faible. L'humanité pèse désormais sur la Terre d'un poids géologique. Elle pèse si lourd qu'elle modifie son fonctionnement global, ses grands cycles chimiques, physiques, biologiques, l'ensemble de son système. L'histoire de la planète est entrée dans l'histoire humaine. C'est un temps nouveau, en résonance eschatologique, l'Anthropocène. C'est Paul Crutzen, un chimiste et météorologue, qui propose ce terme au début des années 2000 pour signifier l'ampleur des changements en cours. La période géologique précédente, l'Holocène, dont la stabilité climatique aurait notamment permis la naissance de l'agriculture, serait révolue. C'est donc une métamorphose que raconte l'Anthropocène. inédite par son ampleur et par sa profondeur transcendantale. L'intégrité de la biosphère est en jeu. C'est bien sûr la menace du réchauffement climatique, mais, à l'image de la banquise, c'est aussi la toile du vivant, malmené de toutes parts, qui est en train de se craqueler. Et c'est à l'écologie que l'Anthropocène doit se convertir s'il cherche un horizon. Car l'ombre du fantasme technologique, du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, les chercheurs parlent d'un anéantissement biologique. Depuis 1970, plus de 60% des vertébrés sauvages de la planète a disparu. Les publications scientifiques abondent et ressemblent toutes à des scénarios de films catastrophes. Bienvenue dans l'Anthropocène, premier épisode où le vivant s'effondre. Philippe Descola, anthropologue. Les inventeurs de la concept anthropocène le font remonter à au perfectionnement de la machine à vapeur par James Watt. Et ça me paraît, au fond, tout à fait raisonnable, parce que ce qui se met en place à ce moment-là, c'est un système très singulier d'utilisation intensif des énergies fossiles, d'abord en Angleterre et ensuite dans le reste de l'Europe et puis ensuite dans le reste du monde. L'anthropocène est quand même l'effet, au départ en tout cas, principalement, non pas de l'homme en général, non pas des humains en général, mais d'un système particulier, d'une civilisation particulière, d'un mode d'exploitation de l'environnement particulier, qu'il a mis en avant le fait que la nature est quelque chose d'extérieur à l'homme, que les humains se sont trouvés placés en surplomb et comme des sujets à la fois connaissants de la nature et techniquement capable de l'exploiter et de transformer cette nature en un système de ressources. Il y a un ensemble très particulier qui s'est mis en place à cette époque et qui a eu comme effet, au fond, le développement catastrophique que l'on observe à présent et qui superpose des effets comme la pollution des sols, des airs, des eaux, l'érosion de la biodiversité, la transformation du fonctionnement du système climatique dont on ne mesure que les tout premiers effets, et toutes sortes de choses qui font que les humains vont rendre la Terre, les ont progressivement transformée, probablement, dans certaines parties en tout cas, inhabitable. Catherine Larreur, philosophe. Ça serait la première fois que les effets des actions humaines vont à la hauteur des grandes forces géologiques. Jamais la présence humaine ne se fait sentir à ce point sur Terre, puisque elle est censée perturber l'ensemble du système et pas avoir certains impacts, hein, mais modifier l'ensemble du système. Et qu'en conséquence, il y a une époque nouvelle de la Terre avec un enchaînement des phénomènes qu'on n'a pas vu jusque-là. C'est-à-dire, bon, c'est pas seulement l'accélération des phénomènes extrêmes, inondations, cyclones, sécheresses, etc. Mais c'est aussi la possibilité de processus qui s'accélèrent à toute vitesse, bon, ce qu'on appelle des tipping points, hein, les possibilités de modification profonde. Alors ça va pas forcément jusqu'à la catastrophe, mais c'est effectivement un rythme de vie qu'on connaissait pas avant. Là, on est entre Dijon et La Rochelle, vraiment dans une zone d'agriculture intensive. Il n'y a absolument rien de planté, il y a très peu d'arbres, il n'y a aucune haie. C'est un paysage assez post-apocalyptique. Qu'est-ce qui raconte ce paysage ? Si je pouvais vous montrer les animations qu'on a réalisées et qu'on montre d'ailleurs régulièrement aux agriculteurs à partir des photographies aériennes de l'IGN des campagnes des années 50, vous verriez à quel point le paysage a été bouleversé, parce qu'ici même, c'est une image que j'utilise fréquemment, 70% de la superficie, c'était des prairies, luzerne, sainfoin, trèfle. La taille moyenne des parcelles était de l'ordre du dixième d'hectare, donc 100 fois plus petite. Il y avait des haies partout. Donc voilà, rien à voir. En l'espace d'une génération, deux ou trois remembrements successifs, parce qu'en fait, on pense toujours à un remembrement, mais en réalité il y a eu plusieurs vagues de remembrements, en tout cas dans le centre-ouest de la France. Voilà pourquoi on a des déserts absolue aujourd'hui. Alors là, on dit c'est presque caricatural, mais c'est quand même révélateur d'un point de vue du fonctionnement de l'écosystème et de la biodiversité qui est abritée, parce que les sols que vous voyez qui sont des sols nus sont nus depuis 3 mois maintenant. Ils ont supporté un mois de juillet et un mois d'août, pas caniculaire mais pas très loin quand même, sachant qu'il y a 20 cm d'épaisseur de sol avec les températures qu'il y a eu pendant des dizaines de jours successifs. En fait, la vie du sol est morte. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus une bonne partie des micro-organismes du sol. Et donc, ce sont des sols qui sont devenus juste des supports physiques de la culture. Et l'agriculteur, pour produire sur ces sols-là, doit amener tous les intrants, les fertilisants, ensuite les pesticides. Et donc on est exactement dans le schéma inverse des solutions fondées sur la nature. Voilà, on est en train de stériliser les sols, et un sol comme ça, parce qu'on a un certain nombre d'agriculteurs qui se convertissent année après année à l'agriculture biologique, c'est entre 5 et 10 ans avant que des sols dans cet état recouvrent leur fonctionnalité écologique. Ici, on est sur, le sol est juste un support physique, physico-chimique, mais il n'est plus un support biologique, ce qui est un non-sens du point de vue de l'agriculture, parce que bon, malheureusement les agriculteurs l'oublient souvent, mais l'agriculture dépend de la nature. Il y a différentes études qui ont été faites un peu partout en France, en Europe et dans le monde, qui dans ce type de système montrent que 60 à 70, 75% de la production agricole, de la biomasse qui est produite en blé, en maïs, provient de la nature et du fonctionnement de la nature et pas des intrants. Quel est l'impact de cette utilisation des sols sur la biodiversité ? Alors, la non-utilisation, en tout cas le fait qu'on ait rendu les sols stériles, ben, ça a des impacts assez considérables, puisqu'en fait le sol est à la base des réseaux trophiques, hein, bon, à travers les plantes qui vont pousser sur ces sols, donc la flore spontanée notamment, les insectes qu'elle va héberger, les pollinisateurs, les insectes qui mangent les feuilles ou les graines de plantes, qui sont eux-mêmes ensuite la nourriture des oiseaux. Donc voilà, ça contribue à l'appauvrissement global du système, même si pour ce qui est par exemple des oiseaux, d'autres facteurs contribuent évidemment à leur déclin. Il y a, outre l'appauvrissement biologique des sols, il y a les réaménagements paysagers, l'agrandissement du parcellaire, la disparition des haies, des prairies. Et puis il y a bien évidemment les pesticides, au premier rang desquels les herbicides et les insecticides, qui éliminent la nourriture des oiseaux. David Mouillot, là on est à Palavas, à côté de Montpellier, sur la côte. En face de nous, il y a un étang, derrière la Méditerranée. Encore derrière, les montagnes, on devine être les premières montagnes des Cévennes. C'est le Pic Saint-Loup, ça, en face. Le Pic Saint-Loup, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous étudiez à l'Ifremer ? Là, l'Ifremer, c'est principalement une station focalisée sur l'aquaculture. Donc, les nouveaux modes de production aquacole. Et autour de nous, il y a des bassins de différentes tailles dans lesquels de l'eau circule. Qu'est-ce que vous faites dans ces bassins ? Alors là, nous avons à la fois des géniteurs qui vont donner lieu aux juvéniles, aux larves, etc., qui seront ensuite placés en bassins de grossissement, mais aussi des bassins qui vont permettre de mélanger les espèces pour optimiser les systèmes aquacoles. Et le but est de faire le moins de déchets possible une fois que l'eau circule et que les aliments sont fournis aux poissons ou aux espèces présentes. Donc mélanger crustacés, poissons, mélanger des algues, etc. Donc avoir des nouvelles méthodes d'aquaculture durable, on va dire, à la fois productive et respectueuse de l'environnement, en limitant les déchets au maximum. L'aquaculture, ça représente un enjeu important aujourd'hui ? Oui, c'est énorme, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau terrestre, les projections nous disent que soit il faut avoir défriché un maximum de terre pour nourrir la planète, mais qu'avec le changement climatique et notamment l'aridification, on va aboutir assez rapidement à un plateau. Donc l'océan, c'est un avenir pour nourrir la planète. Hein. On va remettre le poisson et les crustacés dans nos assiettes de plus en plus. Et bien sûr, les pêcheries sont en diminution. Donc vraiment, l'alternative, c'est l'aquaculture. Donc la marge de progression que l'on a, la marge de manœuvre que l'on a pour nourrir les gens, notamment en protéines, c'est l'aquaculture. Le gros défaut, enfin le seul défaut peut-être de l'aquaculture, principal défaut, c'est la pollution que ça peut engendrer, avec des surpopulations ou des surdensités d'individus. Donc le but, c'est de proposer une aquaculture plus durable et plus en lien avec le respect du milieu et l'absence d'eutrophisation, en tout cas de pollution. Donc en termes de référentiel, on a quand même des données de pêche depuis des décennies. Donc on a vraiment un historique du déclin. On sait par exemple qu'on a perdu 90% des requins dans les zones tropicales. Et on a aussi accès parfois à des données fossiles qui nous permettent d'avoir une idée de la biodiversité locale, mais également de l'abondance. Hein. On peut avoir des traces de densité de poissons de différents océans, à partir desquels on sait très bien qu'on a perdu une grande quantité d'individus et d'espèces dans de nombreux endroits du globe. 80% des stocks de poissons sont surexploités. Depuis 1987, les captures mondiales diminuent de 400 000 tonnes par an. On attrape de moins en moins de poissons, malgré un effort de pêche toujours croissant. Dans le même temps, le poids moyen d'un poisson est passé de 800 à 175 grammes. Les poissons n'ont pas le temps de devenir adultes. En 15 ans, entre 50 et 90% des poissons adultes vivant en pleine mer ont été pêchés. Au rythme du déclin actuel, un effondrement global des espèces pêchées surviendra au milieu du siècle. Et là, on en est là. Moins il y a de poissons, plus ils valent cher, plus ils sont loin. On subventionne toutes ces pêcheries pour aller de plus en plus loin. Et c'est une course en avant, c'est une fuite en avant, jusqu'au jour où tout va s'effondrer. Donc c'est une vraie spirale vers l'extinction. Cette accélération de la surexploitation ne fait que commencer. Et on va atteindre comme ça les prélèvements des derniers stocks. Donc là, c'est sûr que la surexploitation reste, à mon avis, le facteur premier de la disparition de la faune dans les océans. Et le changement climatique vient juste après, notamment sur les récifs coralliens, qui abritent la plus grande partie de la biodiversité marine et de sa biomasse, où là, c'est l'habitat physique qui est en jeu. C'est pas simplement la qualité de l'eau, c'est qu'on perd la structure, comme on perd une forêt. Donc là, on va perdre la structure corallienne tridimensionnelle avec un habitat très complexe qui peut abriter différents stades de vie, des juvéniles jusqu'aux prédateurs. Et lorsque l'eau se réchauffe, donc ces récifs vont disparaître. Et c'est tout l'habitat qui va se trouver modifié avec une simplification des systèmes et beaucoup moins de biodiversité accueillie dans le milieu marin. Donc là, le facteur climatique qui a été longtemps sous-estimé revient au devant de la scène et je dirais que c'est sûrement le facteur numéro 2. Ensuite, l'acidification. On sait qu'une eau plus acide ne favorise pas la croissance. Bon, en tout cas, tous les organismes à base de calcaire ont une croissance réduite. Hein. Et donc là, on peut avoir une baisse de croissance des récifs coralliens, on peut avoir une baisse de croissance pour le zooplancton. Bref, tous les organismes à structure calcifiée peuvent voir leur croissance ou leur survie totalement modifiée par cette acidification. Et en quatrième lieu, alors là, encore moins connu, je pense que tout ce qui est polluants, incluant les microplastiques, les effets sont sûrement énormes, mais là encore peu connus à une échelle globale. On voit les plastiques dans l'eau, on sait que les microplastiques peuvent pénétrer la plupart des tissus, passent à travers la paroi digestive, on en absorbe, les poissons en absorbent, tout le monde en absorbe, mais leurs effets à long terme sont extrêmement durs à prévoir. François Sarrazin, écologue. Si on arrivait miraculeusement à résoudre nos problèmes de changement climatique le plus rapidement possible, eh bien, l'essentiel des problèmes de la biodiversité demeurerait, à savoir la perte de la fragmentation des habitats, donc nos impacts sur la gestion des terres, en quelque sorte des terres et des mers, d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement au milieu terrestre. La perte et la fragmentation d'habitats est la première cause d'érosion de biodiversité. Les problèmes de surexploitation qui demeurent extrêmement forts sur cette biodiversité, les problèmes de transfert d'espèces, de déplacement qui pour certaines espèces, dans certaines situations, génèrent des problèmes d'invasion biologique. Ne pas conclure que c'est systématiquement un problème d'amener des nouvelles espèces, mais ça peut l'être. Et puis, problème qui réémerge très fortement actuellement, même s'il était présent dans les diagnostics environnementaux dans les années 70, mais qui avait été un peu mis sous le tapis, les problèmes de pollution, pollution plastique, on en parle de plus en plus, pollution chimique, mais aussi pollution lumineuse, pollution sonore. Peut-être un jour on découvrira qu'il y a des effets aussi des ondes électromagnétiques, choses comme ça. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'il y en a, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on commence à comprendre qu'il y a des impacts diffus dans nos environnements, nos activités. Donc le changement climatique là-dedans, bah, pour l'instant, c'est encore la dernière cause de changement de biodiversité, une cause qui monte en puissance et qui probablement va devenir très préoccupante et qui en plus agit en synergie avec les autres causes. Ça, c'est aussi un problème, c'est qu'on ne peut pas prendre ces causes-là séparément les unes des autres. Il y a des synergies, parfois positives, parfois négatives, entre ces causes, et ça rend tout ça très complexe. Ces effectifs fondants, eh bien, les interactions qu'ont ces espèces avec les autres espèces, et les interactions qu'elles ont avec nous, et les fonctionnements des systèmes écologiques dans lesquels elles se trouvent, bah, se trouvent modifiés, perturbés. On peut avoir éventuellement des cascades d'extinction, c'est-à-dire que la perte d'une espèce va entraîner des pertes pour d'autres espèces, etc., etc. Donc, c'est bien cette fonte d'effectifs de ces espèces se traduit en termes de nombre, en termes de distribution spatiale. On voit des espèces qui, de fait, ne sont plus présentes localement. À partir du moment où elles n'est plus présentes dans les environnements naturels dans lesquels elles se trouvaient, eh bien, elle n'interagit plus avec les autres éléments du milieu, elle n'a plus d'action, si c'est un herbivore, je ne sais pas, sur la végétation, si c'est une plante, sur ses pollinisateurs, etc., etc. Donc, on a bien cet appauvrissement des interactions au sein de ces écosystèmes qui est une préoccupation, puisque à côté des pertes d'espèces, à côté de la perte de diversité, on a aussi de plus en plus un souci quant à un constat d'homogénéisation de cette biodiversité à l'échelle régionale, voire mondiale, c'est-à-dire qu'on retrouve de plus en plus, un petit peu partout, la même chose. Ce qui aussi pose des tas de questions en termes patrimoniaux, culturels, etc., mais aussi en termes fonctionnels. Gerardo Ceballos, revue Science, 2014. Ces 40 dernières années, 28% des vertébrés sauvages terrestres ont disparu. Et la fonte d'abondance des invertébrés est pire encore. Largement documentée dans le cas des grands mammifères, cet effondrement concerne aussi une faune moins charismatique, comme les nématodes, les coléoptères ou les chauves-souris, dont l'importance fonctionnelle est pourtant bien plus grande. Encore largement inconnus, les effets de cet anéantissement biologique, de cette défaunation, vont se faire de plus en plus sentir, rivalisant avec les autres changements globaux en termes de perte de services écosystémiques essentiels aux hommes. Pollinisation, fertilité des sols, assainissement de l'air et de l'eau, stockage du carbone, santé humaine, c'est pour le moment moins la perte de diversité que la fonctionnalité des communautés biologiques qui est en jeu. L'aspect systématique de cette défaunation menace les fonctions écologiques essentielles de la biosphère et crée les conditions d'un basculement global, tipping point, duquel nous ne pourrions pas revenir. Mais il est encore temps d'agir, notamment sur les causes les plus directes de cette défaunation, la surexploitation et la destruction des habitats. Cela permettrait en outre de temporiser les effets du changement climatique. Cependant, nous devons nous préoccuper des impacts de l'accroissement de la population mondiale et des inégalités de consommation qui sont la clé de voûte de toutes ces menaces, sans quoi la défaunation propre à l'Anthropocène va devenir un vecteur d'une transformation de l'écosystème global. Gilles Boeuf, quand on parle d'Anthropocène, on a très vite tendance à parler du réchauffement climatique et la perte de biodiversité est un sujet dont on parle beaucoup moins. Pourtant, il y a un enjeu qui est absolument majeur, parce que une perte de biodiversité, c'est pour toujours. Pour nous, écologues, c'est vrai qu'on est un peu gênés en ce moment. Alors, bien sûr, il est hors de question, clairement, de ne pas lutter contre les effets du changement climatique. Bien sûr qu'il faut qu'on le fasse. L'effondrement de la biodiversité, pour moi, c'est beaucoup plus inquiétant encore, parce qu'on se rend pas compte, on n'en a pas peur. On n'a pas peur de la disparition du dauphin Beiji en Chine en 2007. On a parlé, mais on connaissait même pas ton truc, ton dauphin en Chine, de toute façon, on s'en fout qu'il soit parti, ben, bien sûr. Et c'est vrai que la perte de diversité, on a vraiment un gros travail, nous, les scientifiques, pour convaincre l'opinion publique que c'est largement, sinon plus important, que le changement climatique. Mais une banalité à nous dire entre nous ce matin, ici en forêt de Fontainebleau, qu'est-ce qu'on bouffe ? On ne mange que de la biodiversité. On ne coopère qu'avec de la biodiversité. Un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts d'eau. Et après, il fait sa flore bactérienne, il met 2 ans à avoir la sienne propre, on est passé par là. Et là, aujourd'hui, tous les trois, on a largement autant de bactéries dans nous et sur nous que de cellules humaines. Et nous coopérons avec. Si on ne coopère pas, on n'est plus là. On n'admet pas qu'on fait partie du vivant. Qu'on arrête d'imaginer une nature ici, un humain à côté. On est dedans, on est fait de nature. Nous sommes la nature. On est dans l'effondrement. Les solutions, elles sont à mettre en place tout de suite. On ne les a pas, on ne les connaît pas, donc il faut les expérimenter. Et il ne faut pas attendre de trouver une solution pour l'expérimenter. Il faut travailler en même temps dans l'expérimentation et dans la recherche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, il y a une chose dont on est sûr, c'est que si on ne fait rien, on est sûr qu'on finira à l'extinction progressive, voire complète, des oiseaux ou des insectes. Parce que quand on voit les courbes sur 20 ans, sur 50 ans, en Angleterre, ils ont 50 ans de données. Là, nous, on a pu produire un suivi sur 25 ans. Il y a le double en Angleterre. On a perdu 30% des populations d'oiseaux en 25 ans. Ils ont perdu 60% des populations d'oiseaux en 50 ans. C'est exactement la même vitesse, le même déclin. Donc on peut projeter ce déclin. Et prédire que dans 5 à 10 ans, ça ne sera pas 30%, mais 50%, et ainsi de suite. Voilà. Si on ne fait rien, on sait exactement où on va. Le seul problème, c'est qu'on n'arrivera pas à cet endroit-là, parce que ce n'est pas imaginable un monde sans insectes. Il n'y aura plus d'alimentation sans insectes. Donc avant la disparition des pollinisateurs, il y aura des réactions à la fois de l'écosystème, mais aussi des sociétés humaines. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'arriver à subir, à des moments où on va devoir subir des conséquences dramatiques, de les anticiper, c'est exactement l'équivalent dans le cas du changement climatique. Hein. On essaye d'atténuer les crises. Là. Il faut absolument s'engager dès maintenant, parce que plus on tarde, plus ça sera difficile et coûteux. On aura quand même vu une mouche pendant cette interview. Ah, j'ai vu aussi 2 ou 3 pollinisateurs en recherche de fleurs, mais bon, ils ont quelques kilomètres à faire avant de trouver la première fleur. Alors, il y a une dimension importante dans tout ça qui est très souvent passée sous silence, mais qui me semble absolument centrale, c'est la dimension évolutive, c'est-à-dire que tout ce dont on parle quand on parle de cette crise de la biodiversité, on parle de cette érosion actuelle à l'échelle de nos temps humains, sociétaux, politiques, historiques, éventuellement un peu civilisationnels si on regarde ça sur du temps long. Mais encore une fois, j'insiste très lourdement, à l'échelle de l'histoire du vivant, on est sur quelque chose d'instantané et qui est en train de façonner la forme de cette diversité, de façonner les trajectoires évolutives des organismes qui nous entourent, c'est-à-dire que leur évolution s'est faite de coévolution avec d'autres organismes, s'est faite d'extinction, de colonisation, etc. L'extinction, ça fait partie de l'évolution. Donc quand on parle de crise de biodiversité et de conservation de biodiversité, on n'est absolument pas en train de vouloir stopper toute extinction et de vouloir figer le vivant. C'est un faux procès récurrent qu'on fait à la conservation, mais la conservation telle qu'elle est définie par ses pères fondateurs et telle qu'elle est encore pratiquée et motivée par pas mal de chercheurs, elle vise à redonner du potentiel à l'évolution, à redonner de la liberté aux vivants qui nous entourent dans ses capacités à se maintenir et à poursuivre son histoire avec parfois des extinctions, des développements, des colonisations, etc. Gilles, la diversité biologique, c'est un moyen pour la nature de s'adapter au changement. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, à l'heure de l'Anthropocène, par rapport à la conservation de cette diversité ? Alors la biodiversité, en fait, il faut bien voir que on peut se poser une question qui consisterait à dire, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je vais prendre un exemple. On va se transporter de la forêt de Fontainebleau à une forêt en Colombie. Ici, en Europe, on connaît à peu près 250 espèces d'arbres. Un kilomètre carré de Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de la forêt colombienne, 700 espèces de coléoptères. Intéressant ça, hein ? Comment on va faire ? Pourquoi ? Est-ce qu'on a besoin de tous ? Est-ce que le 383e est aussi important que le 601e ? Des vraies questions, en fait, hein, auxquelles un écologue est incapable de répondre. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'on montre très bien maintenant, au niveau des réserves, que plus un milieu est biodivers, et mieux il est capable de résister, de s'acclimater et de s'adapter, y compris au changement climatique. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des beaux effets dans des réserves, autant marines d'ailleurs que continentales, d'un milieu bien protégé et biodivers, de résistance au changement climatique, aux effets du changement climatique. Et on a dit aussi, malheureusement, les écosystèmes sont agressés à l'heure actuelle. Et on revient à la résilience. On ne résilie que si on n'est pas détruit. Et la résilience se fait beaucoup plus vite sur un écosystème qui est déjà au départ capable. Et c'est la vraie question de l'écologie aujourd'hui pour moi d'ailleurs, autant en mer que sur Terre. Est-ce que nos écosystèmes sont suffisamment structurés, biodivers, pour être capables de résilier face aux agressions qu'on leur fait subir aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, Gilbert Cochet, président du suivi scientifique. Voilà, le belvédère du Rang Pointu. Donc c'est vraiment la sortie des gorges. Et là on voit pas très bien, mais on a les falaises calcaires là qui sont à l'horizontale. Et quand on descend un peu plus loin, elles sont obliques. Et ça disparaît sous la vallée du Rhône. Et on n'a plus de falaises calcaires après dans toute la vallée du Rhône. Ah, un grand cormoran. On a entendu les choucas. Il y a de la vie, même l'hiver. C'est un oiseau qui est revenu ? Le grand cormoran, oui. C'est un oiseau qui est... Je me souviens, je suis lyonnais, on allait les voir sur les bords du Rhône. Je me souviens une fois, il y en avait 7. On avait dit, c'est extraordinaire, 7 grands cormorans. Et puis maintenant, il y en a plusieurs, sur toute la vallée du Rhône, il y en a plusieurs milliers. Il a augmenté, au grand dam des pêcheurs d'ailleurs. Et puis ensuite, il a atteint une valeur, un sommet, quoi, un plateau. Et depuis, voilà, les niveaux sont restés à peu près les mêmes. C'est un paysage assez sauvage qu'on a en face de nous. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de marque d'anthropisation particulière. Il n'a pas toujours ressemblé à ça, ce paysage. Ça ressemblait à quoi avant ? Alors oui, en effet, on est face à un paradoxe parce qu'on a l'impression d'avoir un paysage extrêmement sauvage. Mais en fait, quand on rentre dans ces forêts, on va trouver des terrasses anciennes, on va trouver quelques ruines. Donc tout cela a été utilisé et on a des photos à la fin du 19e, c'est les premières photos, qui montrent un paysage beaucoup plus décharné, donc sans végétation, et parce que c'était très occupé en fait, très très occupé. Et on peut dire que probablement, depuis des siècles et des siècles, les gorges de l'Ardèche n'ont jamais été aussi sauvages qu'actuellement. Et avec un milieu naturel qui peut évoluer librement. On a 1500 hectares de réserves naturelles, mais en même temps, ça reste petit pour recréer, faire revenir toute une faune. Mais par contre, on profite du retour de la faune en général. Et on a plusieurs exemples très réconfortants, très positifs, depuis que la réserve a été créée en 1980, on peut dire que l'érosion de la biodiversité a été freinée. On n'a pas eu, depuis 1980, d'espèces qui ont disparu, ou celles qui avaient disparu sont revenues. Et ces retours, c'est par exemple le faucon pèlerin. On a maintenant 4 ou 5 couples de faucon pèlerin, alors qu'on n'en avait plus du tout. On a 4 couples de vautours percnoptères. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ils sont revenus. en rivière la lauze, qui est revenue, un autre poisson qui s'appelle l'apron, qui est un poisson très rare, qui vit sur le fond du cours d'eau. Il y a un programme de réhabilitation des cours d'eau qui ont permis à cette espèce de revenir et qui est revenu chez nous. Le chevreuil, parmi les ongulés, on a le chevreuil qui est revenu. Et la loutre, qui n'était pas du tout connue, donc qui est revenue aussi. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Préserver la nature, la conservation, c'est préserver les espèces, préserver leur fonctionnalité. Donc dans leur rôle, il faut qu'elles soient en densité suffisante. Et puis ensuite préserver ou retrouver les connexions entre les différents secteurs. Voilà un goéland, goéland à le coffé, qui vient de Méditerranée et qui survole donc les gorges de l'Ardèche. Et donc voilà, il faut reconnecter tout cela. Donc préserver d'une part les secteurs les plus vastes possibles, et ensuite qu'il y ait une connexion qui puisse se faire. Ils restent marginaux, ces territoires protégés. Oui, alors, en effet, si on prend la totalité des réserves naturelles, plus la totalité des cœurs des parcs nationaux, c'est-à-dire les seules zones qui sont véritablement protégées, on a à peine 1% de notre territoire. Donc c'est très très peu. Et effectivement, il y a un objectif qui est de passer de 1 à 2%. Alors c'est tout à fait louable, mais en même temps, il faut agir sur la superficie, donc passer de 1 à 2%, mais agir aussi sur la force de protection. C'est-à-dire que des zones protégées où il y a encore de la chasse, où il y a de l'exploitation forestière, où il y a du pâturage, voilà, c'est pas assez fortement protégé, quoi. Quand vous voyez que les Calanques, le parc national des Calanques à Marseille, la zone cœur marin, donc le cœur marin, il fait 40 000 hectares, et sur ces 40 000 hectares, il n'y a que 4 000 hectares sur lesquels il n'y a pas de chasse sous-marine autorisée. Tout le reste, bien que nous soyons dans un parc national, on peut pêcher, on peut chasser, donc ça ne marche pas. Alors on va essayer de se glisser par là. Encore une fois, j'aime bien cette notion de surprise que nous aurons, parce qu'on ne sait pas exactement demain comment ça va évoluer. En plus, on a le réchauffement climatique, on a tout un ensemble, mais on a besoin de territoires comme les gorges d'Ardèche préservés, sanctuarisés, pour voir comment ça va fonctionner naturellement. D'ailleurs, c'est une conception qui est en train de prendre corps, c'est le fait de trouver des solutions par la nature, parce que le travail se fera gratuitement et se fera bien comme il faut. Si quand vous voulez reboiser un secteur, dans certaines zones de déprise agricole dans les Alpes, par exemple, vous avez des endroits où ça a été planté. Les arbres ont été plantés, ils ont poussé, on a reboisé. Et à côté, on n'a rien fait. Et vous avez des arbres qui ont poussé, mais ils l'ont fait spontanément. Donc on voit très bien que l'action de l'homme, parfois, peut paraître importante, mais en fait, non. La forêt peut se reconstituer d'elle-même. On entend le rouge-gorge qui chante. Gilbert, tout à l'heure, vous disiez que nos paysages sont des paysages carte postale et qu'il n'y a pas de vraie biodiversité, d'écosystème qui fonctionne. Là, dans un endroit comme celui-ci, l'enjeu, il est là, il est dans la reconstitution de tout un écosystème. Ah, complètement, oui, tout à fait. Il est là, un écosystème qui fonctionne. Et en fait, il faut qu'il y ait toutes les pièces du puzzle. Et ce qui manque chez nous, ici, c'est alors les grands prédateurs. On n'a pas de loup, on n'a pas de lynx, on n'a pas d'ours. Mais aussi les ongulés. On n'a pas de chamois. alors que de temps en temps, il y en a un qui vient nous faire coucou. Donc c'est la preuve qu'il pourrait être présent. On n'a pas de bouquetin parce qu'on a le problème des chèvres sauvages. On n'a pas de cerf, en tout cas pour l'instant. Et on a beaucoup de sangliers et un peu, mais vraiment très très peu, de chevreuils. Donc voilà, donc on est en manque parce que ces gros animaux, un cerf mâle, c'est 150 kilos. Donc un cerf qui se fait tuer par un loup, c'est de la viande à disposition pour d'autres espèces aussi. C'est ce qu'on appelle de la nécromasse, c'est-à-dire du cadavre, quoi. Et donc qui peut servir au vautour. Donc dès lors qu'on aura ces espèces-là, le retour de ces espèces-là, fera que, plutôt que d'avoir une carte postale où tout semble figé, on va avoir un paysage animé, vivant, fonctionnant. Et ça, c'est vraiment très important. On va avoir des scènes, ce qu'on appelle des cascades trophiques, c'est-à-dire des chaînes alimentaires, avec l'ongulé qui se fait tuer par le cerf qui se fait tuer par le loup, ensuite le vautour fauve qui vient s'en repaître, mais les quatre espèces de vautours, le gypaète qui vient prendre les os à la fin, etc., etc. Là, on est à la sortie des gorges, et la grotte Chauvet est à l'entrée des gorges, dans un ancien méandre abandonné de l'Ardèche. Et j'ai eu l'immense privilège de visiter la grotte Chauvet, la véritable, et donc on y a passé quelques heures à l'intérieur, et je l'ai visité en écoutant, bien entendu, tous les commentaires qui étaient faits sur l'homme. Mais j'ai regardé ça aussi en tant que naturaliste. Et c'est vrai que voyant toutes ces scènes extraordinaires, donc peintes, représentées sur les parois, j'ai dit, mais quel spectacle inouï. Cette fresque montre qu'il y avait un bestiaire absolument fabuleux qui a marqué l'homme et qui l'a vu de très près, parce qu'il y a des détails dans l'œil d'un animal, etc. Des détails qui démontrent que l'homme préhistorique a vu ces animaux de très près, il a vécu avec. Et puis au bout de plusieurs heures, il faut sortir de la grotte, on sort, et là c'était criant. Il dit, mais ils sont passés où? Il n'y a plus rien. On a tout vidé. C'était Bienvenue dans l'Anthropocène, premier épisode où le vivant s'effondre. Avec Bernie Croze, Catherine Larère, David Mouillot, François Sarrazin, Gilles Boeuf, Gilbert Cochet, Philippe Descola, Vincent De Victor, Vincent Bretagnol. Avec la voix de Pauline Chanu, prise de son Alexandre Abergel, mixage Julien Douminc, coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran, une émission de Tao Favre réalisée par Gaël Gillon.